Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzou, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 7 décembre et nous souhaitons une bonne fête au Ambroise, ça vient du grec immortel. Ambroise est un homme qui en impose par son autorité naturelle, son allure sobre et réservée, ainsi que par l'énergie qui émane de lui. Tour à tour extraverti, gai, optimiste, enthousiaste, puis distant, secret, tendant à l'introversion, à l'isolement et au pessimisme. Ambroise possède une excellente vitalité. Il est capable de fournir une grande puissance de travail ou d'action, bien qu'irrégulière en raison de son caractère un peu impulsif. Il est indépendant, orgueilleux, créatif et inspiré, tant dans le domaine artistique que dans les spéculations supérieures de l'esprit. Brillant et vif intellectuellement, il pourra faire de longues études, souvent très spécialisées. En effet, c'est un précurseur ou un marginal. Dicton du jour, on commence avec un dicton qui nous vient de Poitou-Charentes et qui dit « Quand Saint-Ambroise voit neiger, de 18 jours de froid, sommes en danger. » Alors, pas de neige imprévue aujourd'hui. Autre dicton, souvent Saint-Ambroise le mouchier sur le mont fait neiger. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée de l'aviation civile internationale. Et aux États-Unis, c'est The National Pearl Harbor Remembrance Day, journée de commémoration de l'attaque de Pearl Harbor. Ça s'est passé un 7 décembre en 1877. C'était la démonstration du premier phonographe inventé par Thomas Edison. En 1933, André Malraux recevait le prix Goncourt. Et en 1941, c'était l'attaque de Pearl Harbor par les troupes japonaises. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Damien Rice et le titre Nine Crimes. Damien Rice, pardon, avec le titre Nine Crimes sur RGM. Un peu plus de 8h36 et il est temps pour nous eh bien, de parler anniversaire. Alors, il s'en est un 7 décembre 1932. D'Hélène Burstyn, actrice américaine, vue dans Requiem for a Dream dans le rôle de Sarah Goldfarb, dans W, l'improbable président dans le rôle de Barbara Bush, dans la saison 4 de la série télé House of Cards dans le rôle de Madame Hall. 1951, naissance de Richard Darbois, acteur français de doublage connu pour être la voix française régulière d'Harrison Ford, de Richard Gere, mais aussi la voix de Biff Tannen dans la trilogie Retour vers le futur, voix récurrente également de Sylvester Stallone, du personnage de Buzz l'éclair dans la saga des Toy Story ou encore du génie dans bien les dessins animés hein, d'Aladin. 1952, naissance de Georges Corafas, acteur français, vu dans Christophe Colomb, la découverte dans le rôle de Christophe Colomb, le bal des actrices, la saga de l'été Tramontagne dans le rôle de Stéphane, dans la saga L'été rouge dans le rôle de Thomas Crowe, dans Alex Santana, négociateur, dans le rôle d'Alex Santana, vu également dans Section de recherche, ainsi que dans la dernière saison de Clem. 1960, naissance d'Abdelatif Kechiche, réalisateur, scénariste franco-tunisien, à qui l'on doit l'esquive, récompensé par les Césars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. On lui doit également La Graine et le Mulet, César du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Et on lui doit également La Vie d'Adèle, récompensé au Festival de Cannes 2013 par la Palme d'Or et par le prix FIPRESCI de la critique internationale. 1964, naissance d'Yves Candebord, chef cuisinier français, l'un des chefs de file de la cuisine de bistrot. 1965, naissance de Jeffrey Wright, acteur américain, vu dans Ali, Casino Royale et Quantum of Solace dans le rôle de Felix Leiter, W, l'improbable président dans le rôle de Colin Powell, Les Marches du Pouvoir de George Clooney dans le rôle du sénateur Thompson, ainsi que dans Hunger Games, l'embrasement et Hunger Games, la révolte partie 1 et partie 2 dans le rôle de Beatty. 1972, naissance d'Hermann Mayer, ancien skieur autrichien comptant 2 titres olympiques, 4 classements généraux de Coupe du Monde et 3 titres de champion du monde. 1973, naissance de Damien Rice, chanteur irlandais. C'est également l'année de naissance de Fabien Pelous, ancien joueur de rugby français ayant fait carrière de 1991 à 2009 en jouant au club de SC Grolet, à l'US Dax et au stade toulousain. 1977, naissance de Dominic Howard, musicien britannique, batteur du groupe Muse, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Uprising ». Voilà pour l'extrait de Uprising du groupe Muse. On continue. 1978, naissance de Sherry Appleby, actrice américaine, vue dans les séries télé Urgence, Alerte à Malibu, 7 à la maison, Roswell dans le rôle de Liz Parker, Chicago Fire ou encore Code Black dans le rôle de Carla Niven. 1979, naissance de Sarah Bareilles, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Jennifer Carpenter, actrice américaine, vue dans le film FBI Fausse Blonde Infiltrée, dans le rôle de de Lisa dans la série Dexter dans le rôle de Debra Morgan ou encore dans la série Limitless dans le rôle de Rebecca Harris. 1980, naissance de Boris Sanson, sabreur français, champion olympique par équipe aux Jeux de Pékin. Au championnat du monde, il est médaillé d'or par équipe en 2006, médaillé de bronze par équipe en 2005 et médaillé d'argent par équipe en 2007. 1984, naissance de Robert Kubica, coureur automobile polonais de Formule 1, 76 courses, 12 podiums, une victoire. 1987, naissance d'Aaron Carter, acteur et chanteur américain, connu pour son rôle de J.D. McQueen dans le téléfilm Popstar, vu également dans la série 7 à la maison, et on écoute tout de suite un petit extrait de son titre, I Am All About You. There's something I've got to say. You're always with me, even though you're far away. Talking to you, I must say, just the sound of your voice makes my heart melt. Oh girl, well it's true, I'm all about you. Voilà pour l'extrait donc d'Aaron Carter. On continue. 1988, naissance d'Emily Browning, actrice australienne, vue dans Les Intrus dans le rôle d'Anna ou encore Pompéi dans le rôle de Cassia. 1989, naissance de Kevin Séraphin, basketteur français, ayant fait carrière de 2008 à 2010 à Cholet, de 2010 à 2015 pour les Wizards de Washington, de 2015 à 2016 pour les Knicks de New York, de 2016 à 2017 pour les Pacers de l'Indiana, et depuis 2017, il joue à Barcelone. 1990, naissance d'Émile Berling, acteur français, vu dans Les Hauts Murs, un conte de Noël ou un sac de billes. Le film a adapté du livre de Joseph Joffo. Il interprète le rôle de Raoul Mancelier. D'ailleurs, hier, on a appris le décès de Joseph Joffo à 87 ans. C'est également l'année de naissance en 1990 de David Goffin, joueur de tennis belge, professionnel depuis 2008. Meilleur classement ATP, la 7e place atteinte le 20 novembre 2017. Quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Roland-Garros. 8e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, finaliste en Coupe Davis en 2015 et en 2017. En 43 avant Jésus-Christ, décédé Cicéron, écrivain politique romain. En 1694, décédé Tiberio Fiorelli, acteur italien de la Commedia dell'arte, créateur du personnage de Scaramouche, directeur de la troupe des comédiens italiens. En 1936, décédé Jean Mermoz, aviateur français, figure légendaire de l'aérospatiale, de l'aéropostale, surnommé l'Archange. En 1989, décédée Siri Ma, chanteuse britannique. En 1990, décédé Dick Clark, chanteur américain, connu pour le titre Raindrops, dont on écoute tout de suite un extrait. A raindrops, so many raindrops, it feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. Since my love has left me, I'm so all alone. I would bring her back to me, but I don't know where she's gone. Voilà pour l'extrait de Dick Clark. En 2011, décédé Jerry Robinson, dessinateur américain de comic book, connu pour son travail sur Batman durant l'âge d'or des comics. Et en 2013, décédé Édouard Molinaro, cinéaste français à qui l'on doit Arsène Lupin contre Arsène Lupin, Hibernatus, La Cage aux Folles 1 et 2 ou encore Beaumarchais, L'Insolent. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Sarah Bareilles et le titre Love Song. tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your hands. I'm unusually hard to hold on to. Sarah Bareilles avec le titre Love Song sur le 107FM, un peu plus de 8h50, on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera encore une journée nuageuse et pluvieuse. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. On passera le week-end sous la pluie avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés pour samedi matin, entre 7 et 8 degrés pour demain après-midi. Et dimanche, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin et entre 7 et 8 degrés prévues pour dimanche après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le handball féminin et l'Euro. Premier match du tour principal pour les Françaises. Première victoire face au Danemark. 29 à 23. Prochain match samedi 15h contre la Suède. Un mot de biathlon avec l'étape à Pokljuka. Hier matin, c'était l'individuel messieurs remporté par Martin Fourcade qui nous a fait du grand Martin pour cette première épreuve individuelle qui n'avait pas fait le bon choix hein, concernant le groupe de départ. Il était parti avec le dossard numéro 87 mais voilà, avec un 20 sur 20 au tir, et eh bien ça a permis aux Français de remporter la première victoire cette saison. Il a déclaré on attendait de la neige hein, la nuit dernière, et on a eu de la pluie verglaçante quand je suis arrivée sur le stade ce jeudi matin. Je savais qu'on avait fait un très mauvais choix de partir derrière. La piste s'est beaucoup transformée entre mon premier et mon dernier tour, mais je suis super heureux d'avoir tiré à 20 sur 20. C'était la clé pour moi. Réussir à conserver le dossard jaune, c'est une grande fierté, une grande satisfaction. C'est toujours compliqué de le faire lors de la première course. Eh bien, c'est chose faite. Il devance de quelques secondes Johannes Kuhn. Et troisième, c'est l'Allemand Eder Johannes Bö. Lui s'est classé septième, même s'il a été stratosphérique hein, sur les skis. Il a craqué hein, derrière la carabine où il a tiré à 17 sur 20. Il a donc pris la 7e place. Simon Schemp, lui, s'est classé 5e. Les autres Français, 8e place pour Antonin avec un 19 sur 20. Antonin Guigona, 22e place. Simon Détu avec un 17 sur 20. 28e, Émilien Jacquelin avec un 18 sur 20. 32e, Quentin Fillon-Maillet avec un 17 sur 20. Fabien Claude a terminé 76e avec un 14 sur 20. Et son frère Florent a terminé 65e avec un 17 sur 20. Et hier après-midi, c'était l'individuelle féminine. C'était pas une course à retenir hein, pour les Françaises. L'individuelle a été remportée par Yulia Dzima. La première Française, c'est Anaïs Chevalier, 17e place avec un 19 sur 20. 33e, Julia Simon avec un 17 sur 20. Et Nora Latuyère, 47e avec un 16 sur 20. Célia Aymonier, 58e avec un 15 sur 20. 75e place pour Anaïs Bescon avec un 15 sur 20. Et Justine Brezaz avec un 13 sur 20 a terminé 82e. Aujourd'hui, c'est le sprint messieurs avec le dossard 7 pour Martin Fourcade, le 13 pour Simon Détieux, le 20 pour Quentin Fillon-Maillet, le 43 pour Antonin Guigona, le 68 pour Émilien Jacquelin, le 103 pour Fabien Claude, et Florent Claude lui partira avec le dossard 98. Samedi, ce sera le sprint féminin, et dimanche on terminera cette semaine à Pokljuka avec les poursuites. Un mot de basket avec les résultats de NBA. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé 118 à 91 face à l'équipe de Houston. Deux petits points pour le Français, ça s'explique puisqu'il a été exclu alors que le chrono n'affichait même pas 3 minutes de jeu. L'équipe de Boston de Yabusele s'est imposée 128 à 100 face aux Knicks de New York de Tilikina. Aucun point pour Yabusele qui a seulement joué 2 minutes 43 et Nitikila, eh bien lui a encore ciré le banc. Et l'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée 108 à 86 face à Portland avec tout de même 11 points et 5 rebonds pour le Français. Du côté de chez nous, en Pro B, samedi, Nancy se déplacera à Blois. En National 1, le Jet Vosges reçoit ce soir Boulogne. Et en National 3, samedi, Mirecourt se déplacera à Herry. Un mot de hockey sur gazon avec la Coupe du Monde où la France a battu l'Argentine hier, championne olympique en titre, 5 à 3. Et s'est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Un mot de tennis, Lucas Pouille, Amélie Mauresmo, c'est officiel depuis hier. Et on a appris d'ailleurs qu'elle ne cumulera pas hein, les deux fonctions d'entraîneur de Lucas Pouille et de capitaine de Coupe Davis. Il faut donc eh bien, un nouveau capitaine. Un mot de football, ça va aller vite puisqu'en Ligue 1, quasiment tous les matchs sont remis, hormis samedi Guingamp, Amiens et Rennes, Dijon, et dimanche Strasbourg, Caen et Lille, Reims. Il y aura les 8e tours de Coupe de France avec samedi Rennes-l'Étape, Saint-Maur et Saint-Louis-Nevègue, Nancy, et dimanche Olympique Strasbourg, Épinal et Taon, Valenciennes. Voilà pour l'actualité. On marque tout de suite la dernière pause musicale avec Jean-Jacques Goldman, Sirima et le titre eh bien là-bas. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. bas. Là-bas, faut du cœur, faut du courage, mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Jean-Jacques Goldman et Sirima avec le titre « Là-bas ». Il est presque 9h. On fait un point rapide hein, sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, un épisode d'Ours et Carottes, 10h30, Plus belle la vie, 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde, 15h, rediffusion de Dominique, 15h, rediffusion de Jazz Time, 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée aux billets de sortie, 20h, mosaïque avec François. Et nous, eh bien, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite un excellent week-end de la Saint-Nicolas et pensez, ce week-end, c'est également le Téléthon. Allez, bonne journée, excellent week-end, à lundi.